bomone lingaye bolo banaye azonga ngaya wa moye na ndakote bolo belaye azonga mama Bakata télévision et koufa, frigo et koufa, moyenne bongisa et zalite. Mama oh oh. Salanino, mamá, eh.